Approchez, approchez, messieurs, dames. Un petit peu moins près, voilà, décollez-vous des enceintes. Très bien. Vous pensiez que le CD était fini? Eh bien non, car je vous propose une chanson unique en son genre, une chanson dont vous êtes le héros. Toutes les 40 secondes, deux numéros de plage vous seront proposés. À vous de vous rendre à celle qui correspond à la suite de votre histoire qui vous plaît le plus. Oui, vous avez bien entendu. À vous de vous rendre à celle qui correspond à la suite de votre histoire qui vous plaît le plus. Et comme vous m'avez l'air sympathique, je vais vous donner un conseil. Jouez le jeu, n'écoutez pas les plages dans l'ordre du CD. Sens n'aurait aucun cela. Cela n'aurait aucun sens. Et cela vous gâcherait les 16 histoires possibles. Oui, 16 histoires. Et pour cette promo exceptionnelle, je vous propose non pas une, non pas deux, non pas trois, non pas 35, mais bien 36 plages, toutes dans un style différent. Je vais tout de suite vous faire une démonstration. Appuyez sur le bouton plage suivante.